mauvais feeling à la base. On ne se lève plus du bon pied, on se pousse si je fais pas la part. Mandaros ou Dino, on sait que la vie c'est chaud. On se perd seul sans boussole, c'est nos vies et nos larmes, poteau. Laisse-toi aller, la musique nous appelle, la mélodie m'apaise. L'Amérique baisse sa mère, très amère. Et le goût de nos vies, très dangereuse. Et l'attente pour une descente vers l'oubli. Janvier à décembre, indécente sur nos lives, incontrôlables sur nos larmes. Enfermés seuls avec nos drames, force et honneur, c'est honneur. Le temps c'est cool, c'est cool. La vie c'est court, donc faut tout niquer, c'est tout. Un œil sur mon futur, l'autre sur mon passé. Au présent je conjugue ma vie, j'ai fait du tort, j'en referai, je le sais. La tristesse me le rappelle, la misère est la même, car pour tous c'est la merde. Les larmes de nos vies coulent sur nos joues, tristes et pleines de rage, elles n'attendent pas de bonjour. Les larmes de nos vies décrivent nos parcours, n'attendent aucun secours, nous guettent chaque jour. Les larmes de nos vies coulent sur nos joues, tristes et pleines de rage, elles n'attendent pas de bonjour. Les larmes de nos vies décrivent nos parcours, n'attendent aucun secours, nous guettent chaque jour. Ma vie et mes larmes, mes joies et mes drames purifiaient mon âme jusqu'à la fin, passe avant ce rage chétane. On passe nos temps à courir, on passe nos temps à souffrir, à sourire, on survit et c'est ça le pire. Le peuple est perdu, total et l'incompréhension. L'apocalypse imprévisible comme la trahison. Et j'ai mal, la chute est longue, oui j'ai mal. Toujours le même qui nous plombe, réveillez-vous avant que ça n'éclate. Un avenir flou en nous rend fous, soyons prêts à combattre. On a les armes, on a nos plumes, on peut pas rester calme. Plus rien à perdre, on nous déplume, Heywen sur le macadam. La dépression fait rage, LRM, Istes, Mika. Pouvoir d'achat dans les blocs, le Nesby permet d'en avoir. Moi j'ai mes sens, mon crew, mon Mac, mon rap. Ma mif, mon din, ma foi, pour pas que j'y rappe. Les larmes de nos vies coulent sur nos joues, tristes et pleines de rage, elles n'attendent pas de bonjour. Les larmes de nos vies décrivent nos parcours, n'attendent aucun secours, nous guettent chaque jour. Les larmes de nos vies coulent sur nos joues, tristes et pleines de rage, elles n'attendent pas de bonjour. Les larmes de nos vies décrivent nos parcours, n'attendent aucun secours, nous guettent chaque jour. Nos vies derrière le grillage, dehors il pleut des larmes. Écoute, glisse tes larmes, révise tes bases, évise les rats. Le mal est viscéral, enfant d'une époque misérable. On écrit car vie c'est drame, l'âme de nos vies c'est ça. Rien ne nous sépare, les larmes voyagent en groupe. Une jeunesse sous les gouttes, car la mort suit les embrouilles. Les larmes qui nous entourent font qu'on évolue dans le doute. Elles rendent la vision trouble et voudraient que l'esprit s'écroule. Je peux pas te raconter tout, ce qu'elles me prennent ou m'apportent. Ce qu'elles ont fait sans accord ou encore ce qu'elles absorbent. Je peux que te dire avec la rage que c'est là. La base de ces larmes est en marge de cette page. Toujours présente, elles ne partent pas avec le temps. Écarte-toi franchement de leur chemin où elles t'étranglent. Les larmes de ma vie, compilées sur des lignes, forment une énigme à décrypter dans la rime. Les larmes de nos vies coulent sur nos joues, tristes et pleines de rage, elles n'attendent pas de bonjour. Les larmes de nos vies décrivent nos parcours, n'attendent aucun secours, nous guettent chaque jour. Les larmes de nos vies coulent sur nos joues, tristes et pleines de rage, elles n'attendent pas de bonjour. Les larmes de nos vies décrivent nos parcours, n'attendent aucun secours, nous guettent chaque jour.